El Chapo gère la coco. Coco, coco. Charo gère le bendo. Zéfu Goro gère le micro. Samedi, j'suis au télo. Dimanche, encore télo. Boeing, fuck ta Clio. J'suis en première classe, j'suis un intello. Pas de chute, nous on s'éduque à la gagne. Le but c'est grimper au sommet de la montagne. Y'a plus de frein, plus de pédale, on contrôle le bail comme la neuzo. Fais des gros sous, on attend donc les frères sortent du trou, fais des mandats. Les frères sortent du trou, fais des mandats et envoie la gère. Tes affaires comme gère ma carrière. Nouveau clip qui sort, tout le quartier va faire des roues arrière. Ils nous donnent le respect. Ah, on arrive en guest. Du grand ref, direction Panama pour draguer des gonzesses. Ouais gros, ces charcles sont des novices. Observe nos bails et nos vices. Nos ailes qu'on a fait, je traîne avec des nouveaux riches. Des patrons, des fils de ministres. Parle cash, crois combien il faut. Parle cash, crois combien de folles. Je m'adresse à tous mes charros. Gros, c'est la race, trop de frères, son on me laisse. Faut se mettre à l'abri, faire du cash, ouvrir des business. Ils nous donnent le respect. Ah, on arrive en guest. Chapeau, j'ai...